Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristu. Chaque fois que nous sommes dans la présence du Seigneur, kila mara tunapatikana mupu wa Bwana, cela nous fait du bien. Ile inekalaka natufanya mzuri. S'il y a la consolation, ni umu njo mukufaraja. Ici il y a la vie éternelle. Nani apa njo pe kubujima wa milele. Il y a la guérison de nos esprits. Matunzo ya maro yetu. Et la guérison de nos corps. Na ata matunzo ya mwili. Même lorsque nous sommes troublés par les événements de la vie. Ata mwakati tunavurushwa na mamambo ya maisha. Le Seigneur nous comprend. Bwana ekonetuelewa. Parce que lui-même a vécu dans la chair. Sababu ye mwenye ariishi mwili. C'est pourquoi il est le Dieu de toute consolation. Ndio kwa maana ye ni Mungu wa faraja yote. Lui-même s'appelle le consolateur. Na ye mwenye jina yake ni mufariji. Quand vous passez des moments difficiles, wakati unapita mawakati ya nguvu, nous ne pouvons venir vous consoler. Shibatu tunaweza kwa kufariji. Mais après nous allons partir. Na kisha pale tutaenda. Chacun retournera dans sa maison. Kila mtu atarudia kwake kunyumba. Toi tu vas rester seul dans ton lit. Wewe utabakia wepeke mkitanda yako. Dans ta chambre. Mchumba yako ya ndani. Dans ta maison. Mnyumba yako. Avec les mêmes difficultés. Na ile magumu moyo moya. Mais quand lui vient, même wakati ye anakuya, tout redevient normal. Yote ikunarudia musawa. La paix apparaît. Salama inaonekana. Et le sourire sera sur vos lèvres. Na ata ncheko inarudia pamilomo. Et les douleurs et les peines seront oubliées. Na maumivu na manunguniko itasahulika. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière. Tushimame njo usome aneno. Prenons Romains au chapitre 8. Tuchukue kitabu kia wa Roma 8. Dans son verset 9. Mumusari yake ya 9. Je disais Romains chapitre 8. Miansema wa Romi 8. Dans son verset 30. Mustari yake ya makumi tatu. Nous allons lire une portion de cet écrit. Tasoma sehemu ya andiko. Merci Seigneur. Asante Bwana. Depuis dimanche nous sommes séparés. Tujitenga tangia siku ya juma. Nous avons fait des déplacements. Tulisafiri. Les sœurs et les frères étaient dans les occupations. Banduku na wadada walikuwa makazi. Mais cet après-midi, lakini hii mangaribi, il t'a plu de nous réunir encore, ilikupendeza we kutukusanisha tena, pour recevoir tes instructions, kusudi tupate kupokea mafundisho yako, béni soit ton saint nom, barikiwe jina lako, descends maintenant selon ta promesse, ushuke kufatana malako yako, béni au nom de Jésus-Christ, ubariki mujina la Yesu Kristu, chaque frère, kila nduku, chaque sœur, na kila dada, bien Seigneur, kuya Bwana, pardonne nos péchés, ulive mazambi yetu, justifie-nous, utuhesabie haki, sanctifie-nous, ututakase, amène l'assurance et la paix dans nos cœurs, ulete atikisho na salama ndani ya mioyo yetu, parce que nous sommes tes élus, sababu tuko bateule yako, bénis la parole, bariki neno. N'oublie pas les frères et les sœurs qui sont en ligne. Chistabwe banduku na wadada beku mtandao. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristu. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Romains 8. Wa Roma 8. Verset 30. Mstari yake ya makumi tatu. Et ceux qu'il a prédestinés. Na bale alitangulia kutayarisha. Il les a aussi appelé. Nabo arbaïta. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusomi ya neno lake. Tout ce que Dieu a prédestiné, bale bote, Mungu atangulia kutayarisha. Lorsque le temps est arrivé, mwakati ilifika, Dieu les a appelés aussi. Mungu alibaita tena. Dieu a permis que la semaine passée tout entière. Mungu aliruhusu juma jana yote. En parlant du dessein de l'élection de Dieu. Mukusemezea yule makusudi ya uchakuzi ya Mungu. En parlant de l'objectif. Mukusemezea yule kifukuzio wala shaba. Pour lequel Dieu appelle les élus et les choisis. Yenye Mungu eko naitia bateule na bachakula. Nous nous sommes beaucoup attardés pour que chacun de vous comprenne. Tulikawia kabisa njuku sudi kila moja wetu apate kuelewa. Que être élu. Ya kwamba kuya mteule. C'est être destiné. Ni à une tâche particulière. Ni unatarishiwa njuu ya kazi moja kipekee. Et y être consacré entièrement. Na totalement. Kutolewa kabisa kabisa wewote. C'est tout ce que nous avons montré la semaine passée. Njuu ile tulionyesha kabisa kabisa juma ilipita. Même notre Seigneur Jésus. Ata Bwana Yesu. Quand vous lisez dans Ésaïe 42, verset 1, wakati unasoma Isaïe 42, mstari wa kwanza, la Bible l'appelle l'élu de Dieu. Biblia inamuita kwamba mteule wa Mungu. Dieu l'avait choisi. Mungu alimchakulaka. Et Dieu lui avait confié une tâche particulière. Na Mungu alimupatiaka kazi ya kipekee. Il était destiné à un service spécial. Alikuya mwenye kutarichoja kufanya kazi moja kipekee. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Juko maana mtatazama maisha yote ya Bwana wetu Yesu Kristo. Toute sa vie était consacrée à Dieu. Maisha yake yote ilikuwa yenye kutolewa kwa Mungu. De sa naissance jusqu'à sa mort. Kwanza kuzalikwa kwake kufika na kulufu. Il ne faisait que la volonté de Dieu. Alianza kutimiza paka mapenzi ya Mungu tu. C'est pourquoi le bon plaisir du Seigneur. Ndio kwa maana mapenzi ya Bwana. A entièrement reposé sur lui. Ah, ilikala yote yule yake. Et je pense que toute l'église a bien compris. Na nazania kwamba kanisa mzima ilielewa vile. La deuxième chose que je vais dire à l'assemblée. Kitu kya pili mimi napenda kusema kwa makutano. La deuxième chose. Kitu ya pili. Que chaque frère et chaque sœur doit comprendre. Il est kila nduku na kila dada anapashi kuelewa. L'appel et l'élection de Dieu. Mwito na uchakuzi wa Mungu. Touche deux groupes différents de croyants. Inekalaka ikulenda kupata mankundi ile mbili ya kuachana ya baminifu. L'appel mwito et l'élection divine na uchakuzi ya Mungu touche deux groupes de croyants. Inekalaka kuna gusa mankundi mbili ya baminifu benye kuachana. Quels sont ces deux groupes? Na ile mankundi mbili ni ya wapi? Un, ce sont les appelés. Ya kwanza ni bale baliita. Et deux, ce sont les élus. Na ya pili ni abateule. C'est pourquoi nous avons lu autrefois. Jukomana zamani tulisoma. Dans Matthieu au chapitre 22. Mu Matayo sura yake ya 22. Dans son verset 14. Mu mstari yake ya 14. C'est une écriture que nous avons déjà lue. Ni andiko tushasomaka. En parlant de la parabole du festin des noces. Mukusemeze ya ifumbo ya karamu. Car il y a beaucoup d'appelés, kwani, mais peu d'élus. Benye kuitiwa ni ba mingi, mais lakini bateule ni kidoko. Il y a beaucoup d'appelés. Ba kuitwa ni ba mingi. Mais il y a seulement une petite minorité d'élus. Lakini kuko tu kankunji kidoko kabisa kabateule. Ce sont ceux des groupes de croyants. Naniima nkundi mbili yabamifu. Qui sont différents. Beko venye kuachana. Qu'on retrouve dans l'appel et dans l'élection. Jo beko napata mumuito na mchakuzi. Qui touche ces deux groupes. Inekaraka kuna gusa ile makunji mbili. Quand on parle de l'appel et de l'élection. Mwakati wanasema mwito na uchakuzi. Les élus bateule sont aussi appelés. Nabo beko ne baita. Mais les appelés, lakini benye kuitwa, ne sont pas tous les élus. Bote aina bateule. Non, et non, et non, et non. Apana, apana, apana. Lorsque nous parlons de ces deux groupes, mwakati tuna semezea imankundi mbiri. Dans l'appel et dans l'élection. Mchakuzi na mwaliko. Le groupe des appelés et le groupe des élus. Ile kundi ya bale baliita na ile kundi ya bateule. Chaque frère et chaque sœur doit comprendre ceci. Kila nduku na kila dada anapashi kuelewa hii. Les élus sont aussi les appelés. Ya kwamba bateule nabo ni benye kualikwa. Mais tous les appelés, lakini benye kualikwa bote, ne sont pas des élus. Aina bateule. Non mon frère. Apana ndugu yangu. Non ma sœur. Apana dada yangu. Qu'est-ce qui crée la différence entre les deux groupes? Na nini ile kunaleta chanisho katikati ya makundi mbili? Bien que tous sont les appelés. Ata vile bote ni benye kualikwa. Mais une minorité. Lakini wakidoko tu. Est élu. Jo benye kuteuliwa. Qu'est-ce qui crée la différence? Ni nini iko naleta ile achanisho? Les appelés, notez cela. Ah, mwandike vale bonandika. Les appelés. Benye kualikwa wale bale baleita. Croient que Jésus-Christ est leur sauveur personnel. Banaamini ya kwamba Yesu Kristu ni mkombozi wabo wa pekee. De tout leur cœur. Na moyo yabo yote. Et de toute leur âme. Na nafsi yabo yote. Mais les appelés. Lakini benye kualikwa. Ne se laisse pas conduire. Bo abajachirie baba ongozi. Il ne se laisse pas diriger. Abajachirie kongoziwa. Dans toute la vérité de la parole de Dieu. Katika ukweli yote ya neno la Mungu. Il ne se laisse pas conduire. Bo abajachirie. Dans la totalité de toute la parole de Dieu. Bapate kuongoziwa katika utele ya neno lote la Mungu. Voilà la raison fondamentale pour laquelle Dieu sababu yenye amusingi ils ne peuvent jamais être amenés à la perfection totale. Dieu kwa maana hawezi kuitwa kukamilifu wa utele. Ils ne peuvent pas être amenés à la perfection totale. Abawezi kwenda kufika na ukamilifu wa utele. À la rédemption totale. Ukombozi wa utele. Et ne peuvent être amenés en accord total. Na abawezi kupelekwa mu mapatano ya utele. Avec toute la parole de Dieu. Na neno lote la Mungu. Ils ne peuvent pas être couverts. Abawezi kufunikwa. Entièrement par le sang de Christ. Kabisa kabisa na damu ya Yesu Kristu. Ils ne peuvent pas expérimenter. Abawezi kuonja. La rédemption dans sa totalité. Ukombozi katika utele yayo. Parce qu'il ne croit pas. Sababu abaamini. À l'entièreté de la parole de Dieu. A neno lote katika utele. Il croit une partie de la parole. Banaamini sehemu moja ya neno. Cette partie qui concerne la croix de Jésus. Il est tout qui pande inaangalia msalaba ya Kristo. Il croit au sang de Jésus. Banaamini ndani ya damu ya Yesu Kristo. Il croit à la guérison divine. Banaamini ndani ya matunzo ya kimungu. Il croit au ministère. Banaamini au don. Huduma na ile mazawadi. Mais quand il s'agit à la parole doctrinale. Mais lakini kwa ile inaangalia mafundisho ya msingi. Quand il s'agit de la parole prophétique. Kama ile inaangalia maneno ya unabii. Et même une partie de la parole évangélique. Ata sehemu ya neno ya injili. Là, ils sont incapables de la croire. Pale banashinda kuyaamini. Et ils ne peuvent plus avancer dans la foi. Na abata endelea tena kumbele muimani. C'est pourquoi ils ne sont pas entièrement couverts par le sang de Christ. Jo kwa maana nabo abafunikwe kabisa kabisa kwa damu ya Kristo. Leur nom se trouve dans le livre de vie. Majina yabo napatikana mukitabu cha uzima. C'est pourquoi à cause de cela. Je crois maintenant quoi ajili ya ile. À cause de quoi? Je crois ajili ya nini? Comme ils ne se laissent pas conduire. Sable bo abajachirie kuongozwa. Dans toute la vérité de la parole. Mu neno yote ya ukweli ya neno. Ils ne sont pas amenés à la perfection. Abapeleko mu kamilifu. Et ils ne marchent pas avec à un parfait accord avec la parole de Dieu. Na abatembe mu mapatano kamilifu na neno la Mungu. Ils croient une partie de la vérité de la parole. Banaamini sehemu moja ya ukweli ya neno. Ils se limitent à croire au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Banashimama tu mkuamini kwamba Yesu Kristo ni mkombozi wao wa kipekee. Ils peuvent même aller plus loin croire. Banaweza kwenda tena mbali na kuamini. Que Jésus-Christ est leur Dieu. Ya kwamba Yesu Kristo ndio Mungu wao. Mais comme ils ne peuvent pas atteindre la perfection, ils ne peuvent pas avancer avec la lumière de la parole, leur nom se trouve dans le livre de vie. Mais lors du dernier jugement, ils seront jugés. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'entièreté de la rédemption. Ils n'ont pas marché dans toute l'obéissance de la parole. Ils seront jugés au dernier jugement. Et après leur jugement, ils auront la vie éternelle. Batapata bujima milele. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Qui a compris? Nani anaelewa? Je vous bénis. Mungu ambariki. Apocalypse chapitre 20. Ufunuo sura ya 22. Apocalypse chapitre 20. Ufunuo makumi mbili. Dans son verset 11, nous pouvons aller jusqu'au verset 15. Mustari ya 11 tunaweza kwenda hata mstari ya 15. Ici la Bible nous parle du trône blanc. Hapa Biblia tumezia yule akile kiti cha enzi keupe. Le trône de jugement qui tient à Okumu, où ressuscitera ou les watafufuka les appelés pour être jugés. Ah, benye kuitiwa wala benye kualikwa juba okumiwe. Apocalypse 20, ufunu ma kumimbiri, verset 11 à 15. Mustareke kumina moja paka kumina tanu. Oui, j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Mbingu na dunia ikapotea mbele ya macho yake. Kakimbia. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Na ashikupate fashi juu ya abu. Et il ne fut plus trouvé de place. Na kupatikane fashi juu ya abu. Et j'ai vu les morts. Na nikaona benye kufwa. J'ai vu les morts, nikaona bafu. Nikaona bafu. Les grands et les petits. Bakubwa na batoto. Qui se tenait devant le trône, balikuwa benye kushimama mbele ya kiti ya enzi, des livres furent ouverts, na bitabu bikafunguliwa, et un autre livre fut ouvert, na kitabu kingine kilifunguliwa, celui qui est le livre de vie, kenye kuya kitabu kya bujima, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, na banye kufwa baka ukumiwa kufuatana matendo yabo. D'après ce qui était écrit dans les livres, kufuatana na vile ilikuwa yenye kuandikiwa mkitabu. La mer rendit les morts qui étaient en elle, mbari ikarudisha bale bakufia ndani yake. La mort et le séduit des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Mulufu na paali abafu ikarudisha bale wakuwa kufa ndani yabo. Et chacun na kila mmoja jugé selon ses œuvres. Alihukumiwa kufuatana na matendo yake. C'est vrai. Kweli. Ceux qui sont morts dans la mer, dans les eaux. Bari bari kufa mumai mumabari. Les eaux ont rendu les morts, c'est mort. Mai irurusha bala kufa mulendani. Ceux qui sont morts d'une mort quelconque. Bari bari kufa izurufukani. Et qui était dans le séjour des morts. Na bariku ya paali ya bafu. Le séjour des morts. Apali ya bafu. Rendu aussi. Na yo ikarudisha. Bale barikuwa mule ndani wakufwa. Et quand ils sont revenus. Na mwakati barudia. À la vie. Kubujima. Chacun fut jugé. Kila mmoja alihukumiwa. Selon ses œuvres. Kufuatana na matendo yake. Oui, la mort est le seigneur des morts. Isha, lufu na pahali ya bafu. Fut jeté dans les temps de feu. Ikatupwa mutanu ya moto. C'est la seconde mort. Na ile njo lufu la pili. Les temps de feu. Les temps. Kijiba. Kijua ya lufu. Ya moto. Ya moto. Les temps de feu. Kijua ya moto. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, ou le hôte a chupatikane mon kwandika mkitabu ya uzima, fut jeté dans les temps de feu. Akatupwa mwile kiziwa ya moto. Les livres de vie de l'agneau, kitabu ya uzima ya mwana kondo, et les livres de vie, na kitabu ya uzima, est un seul livre. Ni kitabu kimoya. Mais qui a deux parties. Lakini kiko na vipande mbili. Une partie aura écrit les appelés. Kipande kimoya mule banaandika benye kualikwa. Qu'on appelle les livres de vie. Ba kile benaita kitabu ya uzima. Et une autre partie. Na temu ingine. Où on a écrit les noms des élus. Mule baradika manjina bateule. Que nous appelons les livres de vie de l'agneau. Ile tunaita kitabu ya uzima mwana kondo. Vous voyez. Naona. Dans Daniel au chapitre 7. Mu Danieli saba. À partir du verset 9. Mustareka tisa. Jusqu'au verset 10, parle de la même situation, du même jugement. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Na mzee wa masiku akaikala. Ses vêtements étaient blancs comme la neige. Na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Et sa tête était comme de la laine pure. Na kiele ya kichwa yake ilikuwa sawa. Son trône était comme des flammes de feu. Na kiti ya enzi yake ilikuwa sawa moto. Et les roues comme un feu ardent. Na mipeto sawa moto kuteketeza. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Na muto ya moto ilianza kutelemuka mbele yake. Des mille milliers le servaient. Ah, na batu mingi sana baanza mtumikia. Et 10 000 millions na se tenaient en sa présence. 10 000 millions kwenye kushimama uwepo yake. Les juges s'assirent. Na mwamzi akasimama. Les, il faut lire frère. Les juges s'assirent. Mwamzi akasimama. Et les livres furent ouverts. Na kitabu kikafunguliwa. Après ce jugement du trône blanc, kita yukumu ya kiti ya enzi mweupe, les appelés, benye kualikwa, ceux qui avaient cru, bale bari amini, dans le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, na Jésus-Christ kama mkombozi wabo wa pekee, mais sans obéir. Lakini bila kuti. Et sans se laisser conduire par la parole. Na bila kujatiria kuongozwa kwa neno. Et par le Saint-Esprit. Na kupitia Roho Mtakatifu. Dans toute la vérité de la parole de Dieu. Katika ukweli ya neno lote la Mungu. Et qui n'ont pas atteint la perfection. Na bakufike kukamilifu. Seront jugés. Bata hukumiwa. selon les œuvres kufuatana na matendo qu'ils avaient commis ile yenye walitenda dans leur corps mumwili yabo. Mais après ce jugement, lakini kisha ile hukumu, ils auront la vie éternelle. Batapokea uzima milele. C'est ici na ni hapa où les dénominationnels, je parle basé bamazebu, ne connaissant pas le plan de Dieu, bo bien abajoué mapia mungu, ne connaissant pas le plan de Dieu et ne comprenant pas la parole de Dieu, na abaelewe mambo ya neno la Mungu, ils encouragent leur brebis beko nendelea ku tia nguvu makondo yao, produire beaucoup d'œuvres, papate kutumia matendo mzuri mengi, matendo mema, avec espoir, na ile matumaini, avec espérance, na ile matumaini, que leurs œuvres, ya kwamba matendo yao mzuri, peseront dans la balance de Dieu, leurs bonnes œuvres, itakuwa matendo yao mzuri, matendo yao mema, itakuwa wingi sana mkimo wa Mungu, et ils auront la vie, na pale batapokea mkimo wa milele. Écoutez, mon église chérie. Ah, kanisa yangu yenye napenda kabisa. Écoutez la vérité pure de Dieu. Musikieni ukweli safi ya Mungu. Ces appelés. Aba benye kualikwa. Qui seront jugés au trône blanc? Bale batahukumiwa kulo kiti ya enzi geupe. Et qui recevront la vie éternelle? Na bale batapokea uzima wa milele kisha. Ce sont des hommes et des femmes ni banaume na banamuke qui étaient régénérés bale barifanywa upya qui étaient nés de nouveau barikwa banesha zaliko mala apiri pendant leur séjour terrestre mashiku yabo hapa dunia mais qui n'ont pas pu expérimenter lakini abakufike mukuonja la sanctification utakaso et le célibat du Saint-Esprit na muri ya Roho Mtakatifu. Ils n'ont pas marché dans toute la vérité. Abakutembe mukweli yote ya kumwisho. Écoutez encore une fois. Musikie tena mara nyingine. Ces gens qui passeront au trône blanc. Bale batu batapita ukiti ya enzi mweupe. Qui auront la vie éternelle. Na batapata kuzima milele kisha. Ne sont pas des incrédules. Aina bakutokuamini. Et des païens. Na bapagano. Et des païens. Na mapagano wanamuke. Non régénérés. Bale abayafanyiwa upya. Non mon frère. Apana nduku yangu. Non ma sœur. Apana dada yangu. C'est clair? Est-ce que biku wazi? Est-ce que c'est clair? Biku wazi. Mungu ashikulande. Que personne ne vous trompe. Apana kucheza mukanisa. Faut pas blaguer dans l'église. Apana kucheza na neno la Mungu. Faut pas blaguer ou jouer avec la parole de Dieu. Olé kuamini uzari kwa Yesu. De croire et naître nouveau. Ouais, on agit à toi, tu commences d'abord par des bonnes œuvres. Le Saint-Esprit déjà existé là. L'homme tekatif unashanga kutia mkazo yule ile mungu nayo muhimu afundisho. Nilisemezea l'erreur que les gens font. Kosa yenye watu wanafanya. Quand les gens croient. Wakati mtu anaamini. Au lieu d'abord de devenir enfant de Dieu. Bakuya kwanza mtoto wa Mungu. Il commence d'abord par servir. Lakini anatangulia kwanza kumtumikia Mungu. Njoo yenye utongozi. Muku na matepi yule ya ile. N'est-ce pas? Et je vile. Donc d'abord enfant de Dieu. Kwanza parce que mtoto wa Mungu. Et servir après. Na kumtumikia Mungu kisha. Ne commencez pas à servir. Hapana kuanzia hapo kumtumikia. Mbele ya kuya mtoto yake. Vous servez. Unatumikia. Vous posez de bonnes actions. Wa unafanya matendo mzuri, matendo mema. Na matendo ya mingi. Mungu ataniangalia yako. Dieu se souviendra de moi. Matendo mema. Ah, uzaki kwa shaka watoto yake. J'ai posé envers ses enfants, il se souviendra de moi. Na Mungu na yeye. Dieu aussi, il me sauvera aussi. Il est libongo. Ça, c'est la séduction et c'est un mensonge du diable. Ou d'anganifu ya shetani. C'est l'incompréhension de ces versets. Ni kukosa kuelewa uzuri kwa hii andiko. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est compris? Et tu m'aelewa? Passons maintenant aux élus. Tunapita sasa kubateule. Les élus. Bateule. Comme nous l'avons déjà montré. Bale tunacha onesha. C'est sont ces hommes et ces femmes. Ni aba bantu banaume na banamuke. Que nous appelons les vainqueurs. Tunaita sema bashindaji. Que nous appelons les héros de chaque âge. Tukunaita sema bashujia bakila kizazi. Et leur nom na madina yabo se trouve écrit iku yenye kupatikana yenye kuandikiwa dans le livre de vie de l'agneau kitabu ya uzima ya mwana kondo. C'est vrai, frère. Ni ya kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweli dada yangu. Les élus bateule sont appelés bana ni benye kuitwa benye kualikwa les vainqueurs bana itwa bashindaji et les héros na bashujia de chaque âge bakila kizazi. J'ai déjà parlé des héros. Mine chakutemezi yake ule bashujia. Mine chakutemezi yake ule bashindaji. Comme ils sont vainqueurs sa vile boni bashindaji et qu'ils sont héros na ni bashujia dans chaque âge dans lequel ils ont vécu, Dieu a pris leur nom et les a consignés na anenda kuyandika dans les livres de Dieu. Mukitabu ya uzima ya mwana kondo. C'est Apocalypse 17. Ni Mufunuo 17. Dans son verset 14. Mumustari yake ya 14. C'est à la guerre d'Armageddon. Nibo ku vita ya Armageddon. Ils combattront contre l'agneau. Bata kombanisha mwana kondo juu mwana na mwana kondo. Le vainqueur. Ate bashinda. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Sababu ni bwana wa bwana. Le roi des rois. Falme ba falme. Et les appelés na benye kualikwa les élus bateule et les fidèles qui sont avec lui na ba milifu yenye kwa pamoja naye les vaincront aussi nabo watashinda pamoja les vainqueurs bashindaji sont appelés bweko na baita les appelés benye kuitwa les élus bateule et les fidèles na baaminifu qui combattront à côté de l'agneau barata kombana pembeni ya mwana kondo qui est le roi des rois mwenye kuwa mfalme wa bafalme le seigneur des seigneurs bwana wa mabwana et na en étant avec lui benye kuwa pamoja naye et aussi nabo ils vaincront le diable. Batashinda shetani. C'est vrai. Ya kweli. L'élection et la prédestination uchakuzi na kutangulia kutayarishwa conduisent à la consécration ikunongoza kujitolea et à la sanctification divine na kujitakasa kimungu de ceux qui ont été prédestinés. Ya bale benye kutangulia kutayarishwa. L'élection uchakuzi et la prédestination na kutangulia kutayarishwa conduisent les élus inekalaka ikunongoza bateule à une consécration totale mukujitoa kwa nguvu à une sanctification profonde divine. Utakato ya upana ya kimungu ndani ya maisha yabo. Parce qu'ils ont été prédestinés à cela. Sababu boba litangulia kutayarishwa juu ya ile. Ils sont consacrés. Beko benye kujitoa. Ils se sanctifient. Beko ne jitakasa. Parce qu'ils ont été prédestinés à cela. Sababu baritangulia kutayarishwa juu ya ile. Ceux qui forment ni bo jobe on atunga ce que Pierre il est Pierre premier Pierre Petro à Kwanza chapitre 2 sur la capi verset 9 appelle sur la capitre unaita bene vous au contraire mwe kwa kinyume vous êtes une race élue muko kizazi kenye kuteuliwa un sacerdoce royal kikoani kya kifalme une nation sainte taifa takatifu un peuple acquis taifa yenye kununuliwa afin que vous annonciez kusudi mupate kutangaza les vertus de celui qui vous a appelé mautawa ya ule mwenye alimiita des ténèbres à son admirable lumière. Magiza kufika kunuru yake kutangaisha. Les élus bateule sont appelés deko wenye kuitwa annoncer juu ya kutangaza les vertus mautawa mauwezo les vertus mauwezo de celui qui les a appelés ya ule mwenye alibaita. Le Seigneur qui les a appelés, le Dieu qui les a appelés. Des ténèbres. Kutoka kwa giza. À la lumière. Dieu a kwenda kunuru. Cette lumière admirable. Il est nuru ya kutangaisha. Ils ont été appelés. Bobari itwa. C'est pour annoncer. Ninju ya kutangaza. Le vertu. Ma uwezo. De la lumière. Ya ile ya nuru. Les vertus de la lumière. Mauwezo ya nuru. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Ils ont été appelés. Bobari itwa. Pour annoncer. Kudi ya kutangaza. Les vertus de Dieu. Mauwezo ya Mungu. Les vertus. Mauwezo de Dieu. Ya Mungu. Qui les a appelés. Ye mwenyewe la baita. Ce ne sont pas leurs vertus. Aina uwezo ya habo. C'est les vertus de celui qui les a appelés. Uwezo ya ule alibaita. Qui les a confiés. Ule alibaipatia ile kazi. Ils étaient dans les ténèbres. Ils vivaient dans les ténèbres. Comme Dieu les a appelés. Des ténèbres. Ils sont maintenant dans la lumière. Et dans la lumière. Ils annoncent les vertus. Ils vivent les vertus. Ils vivent les vertus. Ils sont la manifestation des vertus de Dieu qui les a sortis des ténèbres pour annoncer la lumière de la vérité. Nuru ya ukweli. C'est vrai. Ni kweli. C'est la vérité. Ni ukweli. C'est pourquoi c'est une race élue. Juko mana boni kizazi kenye kuteuliwa. Un sacerdoce royal. Kikoani kya kifalme. Une nation sainte. Taifa takatifu. Un peuple acquis. Taifa yenye kununuliwa. Ils ont un objectif à atteindre. Beko na shaba. Vrai frère. Kweli nduku. C'est vrai ma soeur. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup insisté sur être élu. Mwa kuelewa wakati nitia mkazo ya kuteuliwa. Aucun élu. Hakuna mteula hata moya. Ne peut marcher. Anaweza kutembea. Dans le péché. Muzani. Non. Apana. Aucun élu. Hakuna mteula hata moya. Ne peut marcher. Ule anaweza kutembea. Dans les yeux du monde. Mubuchafu ya dunia. Non. Apana. Aucun élu. Hakuna mteula hata moya. Ne peut marcher. Ule anaweza kutembea. Dans la désobéissance. Muku mutokuti. Non, non, non, non. Apana, apana. Un homme ne peut pas dire. Mutu achezi kusema. Ya kwamba yeye ni mteule. Mais lakini eko na hiki. Mu mazambi, mu mabuchafu. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Un élu. Mteule. Est consacré. Eko mwenye kutelewa. La cause pour laquelle il a été appelé. Kuile kazi alimutia. Il est dévoué. Na eko mwenye kujitoa. À la parole de Dieu. Kuneno la Mungu. Et il vit. Na eko naishi. Il vit saint. Maisha mwa iko takatifu. Il vit irréprochable. Maisha mwa haina na makemeo. C'est vrai frère. Mwa kweli nduku. Sa vie c'est la sanctification. Maisha yake ni kujitakasa. C'est ça sa vie. Jo maisha yake. C'est la sanctification. Ni utakaso. Dans la vie d'un élu. Mou maïti amteule. Qui l'aide à qui amène. Il amène qui amène l'élu. Il n'a pelé qu'à amteule. A annoncé. A pate kutangaza. Les vertus. Ma uwezo. De celui qui l'a appelé. Oule arimuita. Des vertus saintes. Ah, ma nguvu. Ma uwezo takatifu. Frère. Nduku. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Awezi kuishi muzambi. Tu es appelé élu. Na unajiita sema ni kumteule. Tu trompes à la ligne. Tu ne peux pas être une femme insoumise. Awezi kuya mwanamke asipo heshima kwa utifu na ujite mteule hapana hapana hapana. Awezi kwa bwana wa roho mbaya na ukwe tena mteule hapana hapana. Awezi kuya mtoto une fille binti un garçon. Kiana mwanaume mtoto na ukweta mteule hapana ndugu hapana hapana hapana hauwezi kuya mhubiri mwenye kutafuka mhubiri eko na lala na badada eko na iba banduku makuta eko na lala na bandumba na kita ukweta mteule hapana hapana hapana hapana non frère hapana ndugu. Non, ma soeur. Apana, dada yangu. Un élu. Muteule. Parce que l'élection. Tabu uchakuzi. Wando teme. Mumsema ngine. L'appel de Dieu. Mwito ya Mungu. L'élection de uchakuzi Dieu. Uchakuzi ya Mungu. La predestination de Dieu. Utangura kutarisha kwa Mungu. Conduise tous les élus. Unongoza bateule bote. A une vie consacrée. Maisha moya ya kujitolea. A une vie, a une maisha utakaso divine. Ya kimungu. Nuku. Pasteur, tu couches avec des sœurs dans l'église. C'est un faux ouin. Ni mupakali wa bongo. Diacre, ekonaki. Tu couches avec les sœurs. C'est un faux ouin. Ule mupakali wa bongo. C'est faux frère. Mia bongo nduku. N'a pas été élu. Asikuteuliwe, asikuchakuliwe. Il n'est même pas un enfant de Dieu. Asielewe na anata mtoto wa Mungu. Diacre, pasteur, pastor, mubiri. Kikusha avec des femmes. Dans le monde, kikusha avec des femmes. Ekona viole ba jeune femme. Ekona viole le badada. Ekona bunja bikia ba viole le femme d'autrui. Ba bibi ya benyewe. Ule ni shetani. Non frère. Pananduku. Les élus. Bateule. Sont des gens. Ni bantu. Ils sont purs d'âme. Beko sati munafi yabo. Ils sont purs d'esprit. Beko sati mwoya mwazo yabo. Atamu wili yabo beko sati. Ils combattent pour la pureté. Bo, beko na kumbana. Jua usati ya mwili ya nafi yabo. Goya na mwili yabo. Ils sont destinés bon, à un travail particulier. À un travail particulier. Dès qu'on est au travail particulier, ni kupitia bo, que le peuple de Dieu taifa est venu se parer. Se parer. Que ni kupitia bo, bateule, jo mungu atunza magonjwa. Ni kupitia bo, batu, dès qu'on la pokera mtakatifu. Ni kupitia bateule, jo batu, dès qu'on la kwa batu wa Mungu. Aina vyombo vya buchafu. Ouais. C'est pourquoi vous m'avez toujours entendu. Un véritable serviteur de Dieu. Mutumi sur quoi wa Mungu. Même si l'opportunité lui est donnée. Attaque ma bâti yoi. Y'a écouté la Zambie. À cause de Jésus. Joutu à Yesu. À cause de la charge qu'il porte. Y'a il est babouji to madarake konayo. Il ne peut pas le faire. Asita fanya il. Il fera. Ataftimiza. Comme Joseph. Paka vile Yusufu. Avec la femme de Potiphar. Na Bibi wa Potiphar. Joseph n'était même pas né de nouveau. Joseph a quoi s'est arrêté quand t'as la pire. Mais c'est prédicateur. Mais la kini ba ubiri yaki, ba pastor yaki, ba semashi yaki. Qui séduise les femmes d'autrui, qui couche avec les femmes d'autrui. Mais la tongoza ba lala ba tuwa benyewe. Ils n'étaient même pas né de nouveau. Ah ben s'arrêté quand t'as la pire. Si Joseph. Kama Yusufu. Sous le sang de bouc. Si y a Adam ya ba kondo ba mbuzi. Anasema. Je ne peux pas faire cela. Si ouais, je vais offenser vile. Mon Dieu. Ta kose ya Mungu wangu. Je respecte ton mari. Ni kule simia bwana yako. Bwana yako alipatia vitu vyote. Asikunikatara kitu kimoja kusimia kuweye. Je ne peux pas. Si wezi kutendea zambi Mungu wangu. Pasteur peut se dire devant les gens, devant les femmes d'autrui, devant les femmes d'autrui. Nous sommes coming dans la cellule. C'est une nation sainte. Taifa iko takatifu na kikoani cha kifalme. Je tu ko kikoani ni kupitia tie ni kupitia tie jo ima sadaka ni kunapelekwa kumbele ya Mungu. Ça va. Mzuri. Accent. Je disais ceci. Mesdames et messieurs, je suis en train de dévier, vous allez m'excuser. Rentrons. Aïna ma penziang. Rentrons d'abord. Le Saint-Esprit disait ceci. Rome takatif dans ce maïs. Mais il ne faut pas oublier, c'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Monsieur Sabo, ni Rome takatif dans ce maïs. L'appel. Mwito, chakuzi, na kutangulia kutayarishiwa, kunaongoza kujitolea na kutakaso ya kimungu ya bale, bali tangulia kutayarishiwa. Cela veut dire quoi? La soif d'un élu, c'est d'aller dans les profondeurs de la sanctification. Lui qui ne voit pas que ça suffit à panne. Lui, il veut encore être beaucoup plus sanctifié. C'est vrai. Kweli. L'élection. Uchakuzi. Elle regarde à la préscience. Yo ikunanguria mukutanguria kufama. Regarde. Inangaria kumkomo. Inangaria kumkomo. Dans l'éternité. Mule umilele. Voyez. Unaona. À la préscience. Mukutanguria kufama. Mais la prédestination. Lakini kutanguria kutayarishwa. Elle regarde avant. Kokunangaria kumbele kule ukunenda. À la destination. Kukulo safikia. C'est ça la différence. Jo achanisho. Entre la l'élection. Katikati ya uchakuzi. Et la prédestination. Na kutanguria kutayarishwa. L'élection. Uchakuzi. Regarde jo en arrière. Kunangaria kumukongo. À la préscience. Mukutanguria kufama kwa Mungu. Avant l'éternité. Mbele ya milele. Mais tandis que la prédestination. Mais lakini kutanguria kutayarishwa. Avant, là où tu vas, à la destination. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Même dans le cas d'Israël. Quand Dieu a choisi Israël, Israël ne s'était pas lui-même séparé. Israël a écouté ce n'est pas lui-même qui s'est sanctifié. Ah, il a Israël qui s'est sanctifié. Mais par une sanctification divine. Mais qu'il coupait au takaso à Kimungu. Quand Dieu l'avait appelé. Wa Kimungu alibaita. Et Dieu l'avait exigé. Na Mungu alibalasimisha. De se séparer. Bapate kujitenga. Il est devenu. Inakuya. Israël est devenu Israël un peuple taïfa, entièrement consacré à Dieu. Un peuple taïfa, entièrement sanctifié par lui. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Dieu dit à Israël. Comme moi je suis saint. Moi qui vous ai appelé. Moi qui vous ai choisi. Moi qui vous ai séparé de toutes les nations. Vous êtes une nation mise à part. Vous ne pouvez pas vous mélanger avec d'autres nations. Comme moi je suis saint. Vous aussi. Vous serez saint. Dans toute votre conduite. C'est lui. Où les qui est appelé par Dieu. Aritwa na Mungu. C'est lui. Ule. Qui a accepté la séparation Aritika de Dieu. Kujitenga. C'est lui. Mungu. Ule. Qui aime le Seigneur. Anampenda Bwana. C'est lui-là. Ule. Marchera. Atatembea. Dans la sanctification de Dieu. Utakaso ya Mungu. Et la sanctification na utakaso de ya Mungu. S'opère toujours. Iko na tembe. Par la voix de la parole. Tembeka paka kupitia njia neno. La raison fondamentale. Na jo sababu yenye msingi. Ibantu baba. Nous, le méchant. Nous venons chaque jour à l'église pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu afin que la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si nous entendons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous sanctifie. L'eau pure de la parole. Maïsa tianeno. La parole de Dieu. Neno la ukweli. C'est pourquoi nous, on est les élus. Nous les élus. Nous n'aimons pas nous absenter à l'église. Même nos programmes. Atama puyetu. pour nous les élus, nous faisons nos programmes après l'assemblée. Un élu, il ne peut pas prendre des programmes Mouakatile, même si à la mort, même si quelqu'un est agonisant à l'hôpital, le programme d'un élu d'aller visiter le malade à l'hôpital, d'aller au deuil, ça s'est fait kisha maoubiri, kisha ibada, premièrement, que j'aille d'abord écouter la parole de Dieu. Et c'est après avoir écouté la parole de Dieu, j'irai visiter maintenant le malade à l'hôpital ou à la maternité. Je n'ai pas d'abord écouté la parole de Dieu. Et après la parole de Dieu, j'irai au deuil. Un Eli ne peut pas s'absenter à l'église en restant au deuil. Tu trompes, tu n'es pas un élu. J'étais parti d'abord amener Dité. Après avoir amené Dité, tu amènes Dité à la maternité à l'heure du culte. À l'heure de l'assemblée, tu prends le véhicule, tu passes devant ici pour aller acheter, l'homo et vendre dans votre kiosque. Tu n'es pas un élu. Oh non, t'es oulé. Peut-être que tu le faisais par ignorance. Ça signifie qu'on n'a pas un mouko sakouyoua, pas de son aïléoua. Je te pardonne. Mungwa kurumi et juaïli. Non, Nandou. Les portes de l'église sont ouvertes, Mouteoule, il prend la houe, il part chercher la braise. Oh, dans la maison, il n'y a rien à manger. Aouna tam Mouteoule. Non, mon beau-père, ma belle-mère est venue, je ne savais pas comment la laisser à la maison, voilà pourquoi je suis laissé. T'as absenté à l'église, pas ta belle-mère est venue. Aouna Mouteoule, mon aoumé. D'abord Dieu. Kwanza Mungu. Et après. Naibi ingine. Mungu. Ah ma belle mère c'est après. Il va chier à mikona mwipikia. Ah je suis resté en préparé. Si j'étais parti, il allait dire mais ne considère pas. Ça c'est ni ma fikili aina ya kushimama. Un élu. Muteuli. L'heure d'aller à l'église, lui part d'abord à la fête. Mouteoule quand même. Mouteoule fait ce programme tout en tenant compte de la parole de Dieu. Dimanche, les dimanches, toi, tu t'absentes à l'église pour aller au champ. On a fait un safari. Et tu voyages même. Bah non. On a monté où les... Tu n'es pas un élu. Ah, on a monté où les... Tu n'es pas un élu. Les élus, eux. Bah, t'es où les beaux? Ils croient. Bobanamine. À toute la parole de Dieu. Mais dans l'autre et l'amour. Ils obéissent. À toute la parole de Dieu. Mais dans l'autre et l'amour. Il marche dans toute la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont appelés vainqueurs. Les élus. Bateoule. Et beau. Ils croient Banamini à tous les plans de Dieu. M'appuyote à Mungu. Ils obéissent. Na bekonati. Ils croient. Na banamini. À toute la parole de Dieu. Neno yote ya Mungu. Ils croient. Banamini. Et ils marchent. Na bekonatembea. À toute la vérité. Mukweli yote. Élu. Muteuli. Unalofa ukanisa jua kupikia Bwana yako mukari. Tu t'absentes à l'église pour préparer les fufu à ton mari. Ah, una élu. Tu n'es pas Muteuli. Ah, una élu. Tu n'es pas Muteuli. Une femme vertueuse, bibi, chrétienne. Wa kivoki, même si c'est que son mari est en train de venir. Elle prend des précautions. Elle a dit que c'est un guénézac. Il prête pour son mari. Et puis lui qui part nourrir son âme. Il viendra faire des baisers et des embrassements à son mari. Nikita m'a oublié. J'étais parti prier pour toi. Moi, quand j'ai appris que tu étais en route, ou encore mon Dieu, viens d'accomber. Ah, je suis resté. Parce que mon mari lui mange le couchot. acheter des thermos de bol. Ton mari n'est pas une idole. Bwana yako haina sanamu yako. D'abord Dieu. Kwanza Mungu. Ton mari après. Bwana yako aprikisha. Unaona ndugu mpendwa. Oh frère, unatafuta kufundisha basere. Vuntomboshi. Vule mena enseigner au sort de la rébellion. Nous les apprenons d'être rebelles. Contre toute incrédulité. Utokuamini yote ya neno la Mungu. Badala mapacha. Mese Dieu. Baweke Mungu. En première position. Wa kwanja. Weye. Toi. Uko bwana yake wa mwili. Mari dans la terre. Mais ton âme. Ton mari c'est Dieu, c'est entre Jésus. Katia Yasu, na Yesu Kristu. Yesu Kristu, eko amilele. Yesu Kristu, yeye eko yungu sana. Tu es tellement un permission. Na itaka uwezo kalo kunako, ni ka uwezo kalo tokea kwa Mungu. C'est Dieu qui t'a donné kale ka uwezo. Unaona nduku mpendo. Auna kintu. Unaona nduku mpendo. Oh non, ils ne seront pas insoumis. Abata koba elles mtoku. Seront encore plus soumises. Bata kwa tela batifu sana. D'abord Dieu. Mungu. Et le mari après. Na bwana akisha. Pana kuna bwana retrograde. Tu es marié ça quoi ta imani. Ma, il dégage même l'odeur des démons. Et il fait des histoires pour te faire absenter à l'église. Il y a des retrogrades. Kuku bandu kwa ça quoi ta imani. Yeah. Il ne trouve pas d'intérêt dans la parole de Dieu. Vois d'abord le Père. Vois d'abord. Mon chéri, nous irons. Des démons. C'est ta ami. Mon frère. Pas Nandoukou. Ça va, je m'arrête ici. Mina Shimamiya. C'est par ici que nous allons commencer demain. D'abord Dieu. Kwanza Mungu. Les élus. Bateoule. Il respecte les plans de bon, Dieu. Ben, il croit au plan bon, de ben, Dieu. Ben, à l'entièreté du plan de Neno, Dieu. Il obéit à toute la parole de Dieu. Neno, il marche dans toute la vérité de la parole. Mungu. Ils sont vainqueurs. Bon, l'homme Mwanaume ne vit pas de pain seulement. Mais tout, l'homme vit de pain. Mais chaque parole, la neno, il kuna toka mukinyo a Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. C'est bon pour la prière. Mushimame njua a maombi. Ni mupende zaidi. Ni numéro ngapi mimi nishakupotesha. J'ai déjà perdu. Mupende zaidi. Ah, c'est ça. Hein? OK. Conducteur de quoi? Eh bwanango, mupende zaidi. Aime Jésus. Tu mupende Yesu. Père Céleste. Pour ces paroles de grâce, ces paroles d'amour, ces paroles de lumière,